Hier soir, Marine Tondelier, secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, a lancé la chasse aux riches dans une réunion politique qui sentait bon la lutte des classes, la haine de l'argent et le rejet du modèle capitaliste. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous ne voulons une France sans milliardaires. Bernard Arnault, ce sont des milliers d'emplois créés, ce sont des milliards à la France rapportés grâce à LVMH. Ils sont les ennemis du peuple aujourd'hui, est-ce qu'il faut les éliminer? Et après les milliardaires, ce sera autour de qui? Des millionnaires? Et après les millionnaires, ce sera autour de qui? Accumuler de l'argent est immoral. Qu'est-ce qui est accumulé? Ce qu'on a pris aux autres. Une personne qui a 20 millions d'autres. Donc c'est immoral. Ça s'appelle comme ça. Avec la NUP, on rêve du grand soir, d'un 1789 de la finance, pour construire quoi? Un monde sans argent, sans différence, sans liberté, piloté par un petit groupe d'apparatchiks qui instaurerait une nouvelle noblesse. On a des milliardaires qui se sont enrichis grâce à l'intervention publique. Il faut quand même se poser la question de la viabilité d'un système économique qui crée des milliardaires en créant autant de pauvreté. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Quentin Parinello, je suis porte-parole de l'ONG Oxfam France sur les questions de lutte contre les inégalités et de lutte contre l'évasion fiscale. Oxfam c'est une ONG de lutte contre les inégalités et cette ONG, tous les ans en marge du forum économique de Davos, cette ONG elle sort un rapport qui fait un peu l'état des inégalités dans le monde et en France et donc du coup on a refait ça cette année en janvier. En gros, il faudrait plus de LVMH en France pour financer la puissance publique. Il faudrait plus de milliardaires, plus de Bernard Arnault en France. Le problème de la France, c'est pas d'avoir trop de milliardaires, c'est de pas en avoir assez. Quand on regarde l'argument selon lequel les milliardaires payent beaucoup d'impôts, il faut déjà se poser la question de l'évolution dans le temps. Si on regarde chronologiquement, les milliardaires payent proportionnellement de moins en moins d'impôts. C'est pas une surprise, hein, c'est parce que on a baissé les impôts sur les plus riches, on a baissé les plus hauts taux d'impôts sur le revenu sur les plus riches, on a baissé les impôts sur le revenu du capital des plus riches, on a supprimé les impôts sur la fortune dans le monde et en France. En France, on va pas revenir sur la chronologie, hein, suppression de l'ISF en 2017, mise en place de la flat tax en 2017, baisse de l'impôt sur les grandes sociétés et ça a un impact effectivement sur l'imposition des plus riches. À tel point qu'aujourd'hui, un des plus grands spécialistes sur les inégalités, l'économiste français Gabriel Zucman, dit que la France serait un paradis fiscal pour les ultra-riches. Lorsqu'on regarde l'ensemble des impôts payés par l'ensemble des Français, ça représente environ 50% de leurs revenus économiques. Et lorsqu'on regarde, on zoome sur les milliardaires, ça ne représente plus que 2%. Donc en proportion, les milliardaires payent beaucoup moins d'impôts que la majorité des Français. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de dire à qui on fait payer la facture, à qui on responsabilise. Et Oxfam demande à mettre plus d'impôts sur les plus riches. Et évidemment, Oxfam n'est pas les seuls. Hein. Il y a cet économiste, Gabriel Zucman, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Il y a même des millionnaires, très récemment, plus de 200 millionnaires, qui ont écrit une lettre à tous les gouvernements, dont des Français, en disant « on veut être plus taxé ». Alors face à ça, on nous répond généralement deux arguments. Le premier, c'est de dire « ah, mais on a besoin de baisser l'impôt des plus riches, comme ça, ils vont investir ». On peut regarder, en France, depuis la suppression de l'ISF, on a eu 4 rapports qui ont été faits par les services du gouvernement. Ces 4 rapports, ils mettent en exergue que la suppression de l'ISF n'a eu aucun impact sur leur stratégie d'investissement. Il n'y a pas eu d'investissement supplémentaire. Le deuxième argument qui est donné, c'est de dire que si on se met à taxer plus fortement les plus riches, eh bien, ils vont partir. Et là encore, c'est faux. Lorsqu'on regarde les données sur les 10 dernières années qui ont précédé la suppression de l'ISF, la part des contribuables qui devaient payer l'ISF et qui tentaient de partir de France, c'était 0,2%. Donc c'est une ultra-minorité. Et pourquoi il y avait aussi peu de personnes? C'est simplement qu'on avait les outils pour lutter contre l'exil fiscal des plus riches. Alors la question de fond, c'est de dire comment ça se fait que quand la majorité des Français, la moyenne des Français, paye environ 50% de son revenu économique en impôts, comment ça se fait que les milliardaires payent 2%? Et la réponse, c'est qu'on a une multiplication des outils qui permettent, des outils parfois y compris légaux, hein, d'optimisation fiscale, qui permettent à des milliardaires d'échapper à l'impôt. Et ça, c'est un choix politique. Donc ce que demande Oxfam, c'est de lutter contre l'évasion fiscale et c'est de taxer plus justement les milliardaires. On a la chance d'avoir en France un entrepreneur qui crée des emplois, des centaines de milliers d'emplois, qui est en train de créer un fleuron du luxe, qui fait rayonner notre pays. Cet argument des milliardaires qui créent de l'emploi, il est intéressant. Parce qu'il faut se poser la question de qui crée de l'emploi au sein d'une entreprise. Si on prend LVMH, il a été très souvent cité, hein, Bernard Arnault. A priori, sauf erreur de ma part, c'est pas lui qui coud les sacs Louis Vuitton. Et si Bernard Arnault décide la semaine prochaine de se joindre au mouvement de manifestation et de se mettre en grève pour lutter contre la réforme des retraites mardi prochain, a priori, ça ne va avoir aucun impact sur la richesse créée par LVMH. En revanche, si l'ensemble des salariés français d'LVMH se mettent en grève mardi prochain, si les petits patrons qui travaillent dans la chaîne de valeur, dans les sous-traitants d'LVMH se mettent en grève la semaine prochaine, là, ça va avoir un impact sur les richesses créées. Donc oui, LVMH crée des richesses, mais c'est notamment parce que les employés qui travaillent créent des richesses et du coup créent de l'emploi derrière. Sur la création de richesses, il y a aussi un élément assez intéressant, c'est que sur les deux dernières années, si les milliardaires s'enrichissent, c'est pas la main invisible du marché, c'est pas parce qu'ils ont pris des décisions particulièrement stratégiques, c'est parce qu'il y a eu une intervention publique. Encore une fois, si on regarde le cas de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde a doublé sa fortune pendant la crise. C'est pas parce que LVMH a vendu plus de sacs Louis Vuitton, c'est pas parce que Christian Dior a vendu plus de parfums, c'est parce que la puissance publique a injecté des centaines de milliards d'euros dans les marchés financiers et que cet argent, il a été très largement capté par des personnes comme Bernard Arnault. Donc aujourd'hui, lorsqu'on se pose la question de dire à qui on va faire payer la facture de la crise, la réponse de dire on va faire payer les milliardaires, ça nous semble d'autant plus logique que ces milliardaires se sont enrichis pendant la crise grâce à l'intervention publique. Ce qui est important, c'est d'incarner des valeurs. Aujourd'hui, les clients veulent du sens dans ce qu'ils acquièrent et veulent voir que derrière les produits magnifiques que l'on leur offre, il y a plus, il y a autre chose. Quand on parle de la concentration des richesses entre les mains de quelques milliardaires, il y a aussi un autre enjeu à prendre en compte, c'est l'enjeu écologique. On sait que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faut que tous, collectivement, on ait individuellement une empreinte carbone inférieure à 2 tonnes. Lorsqu'on regarde la moyenne des Français, elle est de 10 tonnes. Lorsqu'on regarde les 10% des Français les plus riches, elle est plutôt de 25 tonnes. Et lorsqu'on regarde les plus gros milliardaires, notamment les milliardaires français, elle est de 8000 tonnes. Donc on voit qu'on est quelque chose dans une forme de sécession des plus riches qui, parce que ont des moyens de consommation totalement ostentatoires, déplacements en jet privé, des yachts, font littéralement cramer la planète, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, parce que ils ont aussi des investissements qui sont beaucoup plus polluants que la moyenne des habitants sur Terre. Et donc ça pose la question de l'accumulation de cette concentration des richesses, notamment pour lutter contre les inégalités, mais aussi pour planifier une transition écologique qui soit juste. La mentalité, vous l'avez vu depuis quelques années, est un peu anti-entreprise. Et quand en plus une entreprise réussit, qu'elle se développe mondialement et qu'elle embauche du personnel en France, ça c'est pas normal. C'est contraire à la logique ambiante de l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste qui prédomine. L'esprit socialo-marxiste. Oui, mais je parle pas de vous. En fait, tout le monde a intérêt à avoir une société moins inégalitaire, y compris Bernard Arnault. Bernard Arnault a intérêt à avoir en France un système de santé qui fonctionne bien pour que ses employés soient soignés lorsqu'ils ont un problème. Bernard Arnault, il a intérêt à avoir un système éducatif qui fonctionne bien pour trouver des cadres qui ont été éduqués, qui ont eu accès à une éducation de qualité. Bernard Arnault, il a intérêt à avoir une protection sociale de qualité en France pour que lorsqu'il y a des crises, on n'ait pas la moitié de la population qui bascule dans l'extrême pauvreté. Et cet exemple-là, il est appuyé par des recherches scientifiques, je pense notamment aux travaux de l'épidémiologiste et au sociologue Richard Wilkinson, qui montrent que des sociétés inégalitaires, ce sont des sociétés en mauvaise santé. Ce sont des sociétés où il y a plus de stress, ce sont des sociétés où il y a plus de violence. Donc on a tous intérêt à travailler sur des sociétés plus égalitaires. Et si on revient un petit peu plus récemment, lorsqu'on regarde les politiques fiscales qui ont été menées ces dernières années, lorsque on a des gouvernements à travers le monde ou en France qui ont décidé de baisser les impôts sur les plus riches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû compenser. Ils ont dû compenser comment? En baissant les dépenses publiques, dans la protection sociale, on est en plein dedans avec la question des retraites, mais ils ont aussi dû compenser en augmentant les impôts sur la classe moyenne. On a aussi eu un cas très évident en France avec la question de la taxe carbone. Ce qu'on voit, c'est que ce modèle fiscal de baisser les impôts des plus riches, il crée de plus en plus d'instabilité. Donc on a eu le mouvement des Gilets jaunes en France, mais en fait, c'est pas le seul. On a eu des mouvements extrêmement similaires avec des réformes fiscales qui provoquaient l'étincelle à chaque fois, au Chili, au Liban, au Kazakhstan. On a une trentaine de pays sur les 3-4 dernières années où on a ce type de révolte, et on voit aussi que la question des inégalités et des injustices fiscales, elle provoque de l'instabilité économique à laquelle, en fait, personne n'a intérêt, y compris les plus riches. Pour nous, la question de la concentration des richesses et des milliardaires, elle pose deux enjeux. Premièrement, c'est un enjeu à très court terme, c'est celui de dire à qui on va faire payer la facture de la crise. on a des milliardaires qui se sont enrichis grâce à l'intervention publique. Et aujourd'hui, on a des États qui commencent à se mettre en ordre de marche pour rembourser tout cet argent dépensé. On estime, à Oxfam, et on n'est pas les seuls, encore une fois, il y a des prix Nobel d'économie, des économistes et des millionnaires qui disent qu'il faut faire la même chose, qu'on doit faire payer la facture aux plus riches. Et par ailleurs, à plus long terme, il faut quand même se poser la question de la viabilité d'un système économique qui crée des milliardaires en créant autant de pauvreté.